Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, le premier premier ministre du Québec. C'est un conservateur, comme d'ailleurs tous ceux qui détiennent le pouvoir alors à Ottawa comme à Québec, mais c'est ce qu'on appellerait un conservateur cultivé et ouvert. Étonnamment, étrangement, paradoxalement, Chauveau, malgré tout, va rater sa mission à peu près totalement. Ce sera évidemment, conformément au personnage, un ratage feutré, une espèce de faillite assez élégante, mais ce sera quand même un peu beaucoup la faute de Chauveau si, à Québec, le nouveau régime confédératif oublie totalement de démarrer vraiment. Le journaliste et essayiste Laurent Laplante à l'émission « Portrait, les premiers ministres du Québec » diffusée en 1981. En écoutant Laurent Laplante, on comprend bien pourquoi Pierre-Joseph-Olivier Chauveau est un peu passé à l'oubli, bien qu'il ait pourtant été le premier premier ministre du Québec. En fait, c'est probablement plutôt comme surintendant du Bureau de l'Éducation, puis comme ministre de l'Instruction publique, sorte de ministère de l'Éducation avant l'heure, que Chauveau nous a laissé son héritage le plus marquant. Qu'est-ce qu'on connaît de ce bonhomme-là, ses origines, ses passions? Qu'est-ce qui fait qu'il est devenu premier ministre? Lui est né à Québec. Son père est décédé, il avait 4 ans. Il a été élevé avec ses grands-parents, sa mère et ses tantes. Et c'était beaucoup donc un milieu de femmes, ce qui a fait en sorte qu'il est devenu un peu précieux, selon certains. Il a fait des études en droit. Et là, c'est avec l'acte d'union en 1840, où la Grande-Bretagne, l'Angleterre, voulait fusionner au fond le haut et le bas Canada. Lui, il s'est opposé à ça. Il a fait une pétition partout dans Québec. Et là, les gens ont dit, ben c'est lui qu'on veut comme député. Il connaît le monde, il est bon, il s'exprime bien, il est intelligent, il connaît bien l'anglais aussi parce qu'il avait appris l'anglais en faisant le droit. Donc, ça l'a lancé sur des chapeaux de roue, si on peut dire, pour être député. Et là, de fil en aiguille, il pensait être élu. Finalement, ils ont été élus comme député. Mais pas, il est à l'opposition, premier mandat. Deuxième mandat, il tombe au gouvernement. Il n'est pas nommé ministre. Il est très amer de ça. L'élection suivante, là, il est nommé ministre. Et par la suite, pas longtemps après, il se fait tasser comme ministre. Et là, c'est là que ça ne va pas bien. Quitte la politique, devient surintendant de l'instruction publique. Donc, au fond, c'était comme en quelque sorte le sous-ministre de l'éducation, on peut dire, le surintendant. Et par la suite, c'est par l'instruction publique que les gens ont vu en lui un bon premier ministre parce qu'ils ont dit, comme il est calme, il est posé, il est instruit, c'est un homme de lettres, quelqu'un de compromis, bien, il va pouvoir être un bon premier ministre pour partir la machine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est aussi devenu le premier ministre de l'instruction publique, donc de l'éducation, ministère qui a été aboli peu de temps après. L'ancien député péquiste Dave Turcotte, fondateur du Musée virtuel de l'histoire politique du Québec, en entrevue à la télévision du Haut-Richelieu en février 2021. Pour nous parler du parcours et du legs que nous laisse Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, le premier premier ministre du Québec, je reçois Jonathan Livernois, qui est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval. Jonathan Livernois, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Alors, Jonathan Livernois, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau a été le premier premier ministre du Québec, mais j'y reviens, ça reste une figure qu'on a à peu près oubliée. Pourquoi? Il y a quelques raisons qui peuvent expliquer qu'il est effectivement passé un peu à la trappe de l'histoire. D'abord, il n'a pas été un très grand premier ministre. D'ailleurs, c'était très difficile au début de la Confédération parce qu'il y avait beaucoup de pouvoir à Ottawa et il n'avait pas vraiment de marge de manœuvre pour justement gouverner. Première des choses. Deuxièmement, il représente une figure pas mal disparue de l'histoire et de la politique québécoise, c'est-à-dire qu'il était un homme de lettres doublé d'un homme d'État. Et ça, ça a même quelque chose de déjà anachronique en 1867. Donc, sa figure même est disparue dans l'histoire. Ce qui, je vous dirais, permet de sauver son héritage, ou en tout cas le sauver de l'oubli, c'est le legs en éducation dont parlait Dave Turcotte. C'est une époque donc où ce n'était pas la priorité des hommes d'État et pourtant, lui s'y est consacré véritablement. Oui, puis on y reviendra au cours de l'émission. Oui. Commençons par le commencement en parlant de ses origines. Il est né en 1820. Il devient député en 1844. Trop jeune, Jonathan Livernois, pour participer lui-même aux rébellions de 1837-1838, mais assez clairement, quand on regarde son parcours politique, même littéraire, il est très marqué par ce contexte-là, par l'acte d'union, qui est la réponse du pouvoir colonial au mouvement de rébellion, justement. On va en parler dans un instant, mais on écoute d'abord un extrait de l'émission « Les écrivains canadiens » présenté à notre antenne en 1966. Ses premières armes littéraires, Chauveau les fourbis en vers. Il s'agit d'un poème intitulé « L'insurrection », nous sommes en 1838, et qu'il publie dans le journal « Le Canadien ». Il exalte l'héroïsme des patriotes qui ont combattu en ces jours sombres. Le ton est grandiloquent, mais l'époque s'y prête, et l'auteur n'a pas encore 18 ans. Ô fils du Canada, qui vient troubler nos fêtes, quel sinistre présage a plané sur nos têtes. Le canon gronde au loin et les chiens du village, aux cris des insurgés mêlant leurs voix sauvages, ont hurlé par trois fois. Ils sont là, nos guerriers, et d'orgueil et d'audace, d'ardeur et de courroux brillent leurs nobles fronts. Ils sont là, disent-ils, pour venger leurs affronts. Mais leurs chefs avilis, que d'épouvantes glaces, ont disparu. Comment ? Pour combattre, ils n'ont rien, point d'armes, plus de chefs, et du sang canadien. Parlez-nous, Jonathan Livernois, des années de jeunesse de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. À quoi correspond cette période qui coïncide avec ses débuts littéraires, ses premiers pas en politique active également? Bien, c'est une période assez chargée, évidemment. On l'a bien entendu, hein, il n'est pas assez vieux pour participer véritablement aux rébellions, mais il est tout prêt. Oui. D'abord, il faut bien dire qu'il est formé au séminaire de Québec et que l'ambiance à Québec est très différente de celle de Montréal. À Québec, on est beaucoup plus dans une modération, dans la conciliation, qui est représentée notamment par le grand journaliste Étienne Parent, qui va même être emprisonné malgré tout en 1838-39. Donc, comme on l'entendait dans l'extrait, il participe à la lutte des patriotes, mais par le truchement de la littérature. Mm-hmm. Il est marqué au coin par l'enseignement des lettres, notamment ce qu'on lui a appris au séminaire de Québec, mais aussi par le romantisme, et un certain romantisme libéral. Donc, c'est tout à fait normal de voir un texte comme l'insurrection en avril 1838 dans Le Canadien, où on participe à certains égards aux patriotes, à la lutte des patriotes, mais par l'écrit, par la plume. Il signe alors, il faut bien le mentionner, il signe alors Pierre Chauveau. Une espèce de façon aussi d'un jeune homme plutôt libéral. Bon, évidemment, il sera conservateur, on l'a bien dit, mais c'est pas un conservatiste très, très puissant. Oui. Et il va, bon, avec le temps certainement, changer un peu son fusil d'épaule. Mais quand même, il est bien là, il est assez ambitieux. Le chemin, évidemment, toujours à peu près le même, hein? Médecine, droit, notariat. Dans ce cas-ci, il choisit le droit et il est assez astucieux et il va se former avec les meilleurs avocats de Québec, notamment des anglophones. Et il est admis au barreau en 1841. Bien, l'année 1841, elle est très importante en soi parce que c'est l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle l'acte d'union, mm-hmm. hein, qui unit les deux Canadas et qui, il faut bien le dire, écrase les droits des Canadiens français. Cet acte-là est dénoncé par à peu près tout le monde. Mais finalement, notamment l'ancien lieutenant de Papineau, La Fontaine, va s'en accommoder, ou en tout cas va essayer de sauver les meubles. En fait, peut essayer de sauver ce qu'on peut sauver. N'empêche, il est dans cette mouvance et tranquillement, on le voit, il suit les traces de La Fontaine. Donc Chauveau devient tranquillement un politicien. Oui. Réformiste. Et il devient député de fait en 1844. Oui. Qu'est-ce qui conduit à ce choix de la politique active? Vous savez, à l'époque, hein, le droit, la littérature, la politique sont des vases communicants. On écrit dans les journaux, on réfléchit, on débat. Donc, c'est tout à fait normal de le retrouver en politique. L'acte d'union aussi, évidemment, explique. C'est une motivation profonde pour aller en politique. Il est élu, donc, vous l'avez dit, en 1944. Il est associé au camp de Louis-Paulette Lafontaine. Ce sont les fameux réformistes hein, qui vont réussir quand même à aller chercher quelques gains pour les Canadiens, notamment le retour du français en chambre. Et, bon, à ce moment-là, évidemment, en 1944, Lafontaine n'est pas dominant. Mais les gouvernements sont très instables et Lafontaine finit par arriver au pouvoir, pour ainsi dire, en 1848. Et c'est très payant pour Chauveau, puisqu'en 1851, il devient ministre. Il y a des alliances à gauche, à droite, entre les conservateurs anglophones et les réformistes héritiers de La Fontaine, notamment. Et dans ce sillage, il perd son ministère, Chauveau, et redevient simple député, ce qu'il n'accepte pas. On va lui trouver une sorte de sortie honorable, au fond. Il va démissionner et devenir surintendant du bureau d'éducation. Il occupera ce poste assez longtemps, hein, de 1855 à 1867. Oui. Et puis, parallèlement à cette activité politique, avant qu'il devienne surintendant, on y reviendra, parallèlement à son activité politique, il écrit, hein, vous l'avez dit il y a quelques minutes, il mène ses deux carrières de front. Et en 1846, on en parle parce que ça nous en dit aussi pas mal sur ce qu'il écrit, sur sa pensée politique. Il publie en 1846, donc, alors qu'il est député au Parlement du Bas-Canada, en feuilleton, son roman Charles Guérin, roman de mœurs canadiennes. Qu'est-ce que ça raconte? Et qu'est-ce que ça nous dit, cette œuvre-là, sur sa pensée politique? Bien, d'abord, c'est un roman qui est publié en deux temps. Hein. La première partie est publiée en feuilleton. C'est anonyme, hein, c'est non signé. Et ça apparaît donc en 1846-1847 dans ce qu'on appelle la Revue canadienne. Finalement, la deuxième partie, c'est assez quelques années plus tard, hein, c'est en 1852-53, puis on en profite pour réunir les deux parties et on en fait un volume. L'histoire est assez simple, au fond, on l'aura deviné, l'histoire de Charles Guérin, qui est un jeune homme, qui est, pour ainsi dire, le double de Chauveau, qui cherche son destin, hein, qui, évidemment, est instruit, là, tout à coup, veut aller vers le droit, veut aller vers la politique, mais, bon, à l'époque, on parle beaucoup de l'encombrement des professions libérales, il y a trop d'avocats, dit-on. Alors, il se redirige vers, imaginez-vous, la colonisation, et il fonde un village, un petit monde, en quelque sorte, une espèce de monde utopique, pour ainsi dire. Et ça, comme vous l'avez dit, ça représente bien les préoccupations politiques de Chauveau comme député. Parce que, comme plusieurs de ses collègues, on s'inquiète énormément de la saignée, de l'immigration vers les États-Unis. On sait, hein, il y a des gros problèmes. On dit qu'entre 1860 et 1900, il y a environ 325 000 Canadiens français qui immigrent en Nouvelle-Angleterre. Donc, ça devient urgent d'ouvrir les territoires de colonisation, d'encourager la colonisation. Alors, au fond, le roman de Chauveau, ben, il accompagne la pensée politique de Chauveau. Hein. C'est un peu, finalement, deux manières de renforcer le discours de Chauveau. Ouais. Revenons à cet épisode de sa démission. Vous l'évoquez il y a quelques minutes. Donc, il démissionne de son poste de député en 1855. Il devient à ce moment-là surintendant du Bureau de l'Éducation. Ça nous amène donc à parler de son legs en éducation. D'abord, comme surintendant, ça va être vraiment une de ses grandes préoccupations tout au cours de sa carrière. Mais comme surintendant, déjà, il pose certaines bases importantes. Parlez-nous de cette période-là où Chauveau est surintendant du Bureau de l'Éducation, Jonathan Livernois. C'est vraiment Chauveau à son meilleur. Hein. C'est la période la plus intéressante peut-être pour nous historiens, parce que comme surintendant, il chapeaute, vous l'avez dit, hein, l'éducation au Bas-Canada, mais il s'intéresse beaucoup à la formation des maîtres, qu'on considère assez faible à l'époque. Il va faire différentes choses, notamment il va publier un journal qui s'appelle le Journal de l'instruction publique, qui est une espèce de revue pédagogique, hein, où on donne des exercices, des exemples de dictées, toutes sortes de choses, comme pour stimuler finalement la formation des maîtres. Pour former ses maîtres aussi, ça prend des écoles normales. Hein. On a connu ça, les écoles normales, ça forme les maîtres. Il y en fonde une, notamment à Montréal, c'est l'école Jacques Cartier, qui va d'ailleurs exister, hein, jusqu'en 1969, puis va être intégrée dans l'Université du Québec à Montréal. Donc, de ce point de vue, il est très présent. En plus, son bureau est situé au Château de Ramsay, donc à Montréal, et il développe non seulement une large bibliothèque à son bureau, mais un lieu de conférence, une espèce de... comment dire, de lieux de discours, de conférences, un vrai milieu culturel, au fond. Et ça, c'est une période donc extrêmement faste. Et il y sera jusqu'en 1867. Oui. Et puis en 67, donc, justement, en 1867, on y revient. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau devient le premier ministre du Québec. On écoute à nouveau le journaliste et essayiste Laurent Laplante à l'émission Portrait, les premiers ministres du Québec en 1981. Dans le cas du premier ministre du Québec, la tâche est donc tracée d'avance. Il s'agit pour lui de guider les premiers pas du Québec dans ce nouveau décor constitutionnel. Comme dirait n'importe quel chroniqueur ou n'importe quel homme politique un peu pompeux, il s'agit d'assurer la continuité tout en veillant aux changements nécessaires. Une fois décodé et traduit en français intelligible, ceci veut dire prendre le virage sans tout casser. Au moins en théorie, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau est taillé sur mesure pour réussir admirablement cette mission délicate. Si on le regarde dans son portrait de l'époque, voici ce qu'on voit. C'est un homme de 47 ans. Comme c'est mon âge, je trouve que c'est l'âge de la force et de la sagesse. Si je reviens à Chauveau, je continue en le décrivant agréablement sûr de lui, élégant, cultivé, poète réputé, orateur puissant, optimiste, diplomate. Que voulez-vous lui demander de plus? Rumilly, d'ailleurs, admet lui-même que, dès l'entrée en scène de Chauveau, les difficultés, comme par hasard, comme par enchantement, s'aplanirent. Le cabinet Chauveau est donc assermenté le 15 juillet 1867, 15 jours après le départ de la Confédération, et le Québec commence effectivement sa vie politique nouvelle. En somme, l'opération transition jusqu'à maintenant s'est déroulée assez rondement. Alors, si l'arrivée de Chauveau comme premier ministre du Québec semble plutôt prometteuse, c'est par la suite que les choses vont se gâter. On y reviendra dans un instant, Jonathan Duverdoin. Mais parlons d'abord du contexte qui mène Chauveau à devenir le premier ministre du Québec, le premier ministre du Québec en 1867. Pourquoi lui? Ouais, Laurent Laplante parle de son pédigree, donc on peut penser que ça va presque de soi, mais attention, hein, au départ, on ne choisit pas Chauveau comme premier ministre, donc pour prendre, pour tenir les rênes du pouvoir à partir de juillet 67. On pense à l'ambitieux Joseph Cochon, qui est député de Montmorency. Mais il ne fait pas l'unanimité et les anglophones de la province ont de sérieuses réserves sur lui. Donc, on se rabat sur Chauveau, qui est beaucoup moins menaçant. Par contre, n'oublions pas une chose, il y a à l'époque le double mandat, c'est-à-dire qu'on peut siéger à la fois à Ottawa et à Québec, ça sera d'ailleurs en vigueur jusqu'en 1874. Autrement dit, les gens d'Ottawa sont très, très, très présents à Québec et, pour ainsi dire, dirigent les destinées de la province. Et au fond, Chauveau n'a pas beaucoup de pouvoir, ne peut pas faire grand-chose. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose, justement, pour ces politiciens qu'il ne soit pas un politicien très habile. En tout cas, ce n'est pas Joseph Cochon, très clairement. Qu'est-ce qu'on peut retenir quand même des premières années de son arrivée donc au pouvoir? Mais d'abord, ça c'est intéressant, pour former la première fonction publique, hein, on s'entend, c'est pas beaucoup de gens, là, c'est peut-être une douzaine de personnes, il va se tourner vers de jeunes écrivains. Alors, ça c'est le fun, parce qu'au fond, il va du côté de Pamphile Lemay, Joseph Marmette, qui sont des jeunes qui ont beaucoup de difficultés à vivre, évidemment, de leur plume, mais en leur donnant ce travail, hein, notamment à la bibliothèque, de la législature, ou comme peu importe, là, dans la fonction publique, ben, ça leur donne de l'argent, ça leur permet d'écrire à côté. Donc ça, c'est intéressant. Et fait à noter, il n'est pas limité à sa chapelle idéologique. Donc il va même encourager des libéraux, en quelque sorte. Ensuite, c'est la formation, en 1868, du nouveau ministère de l'Instruction publique qu'il aurait voulu nommer lui-même ministère de l'Éducation. Il tient donc ce rôle de ministre de l'Instruction publique lui-même. Et n'oublions pas, là, ça, c'est 100 ans avant la création du ministère de l'Éducation par le gouvernement Jean Lesage. Sa perspective est assez large. Hein? Il parle de culture, c'est pas juste l'instruction, hein? C'est beaucoup plus large. Alors, il a une visée vraiment intéressante de ce point de vue. Mais en 1869, les choses commencent à se corser pour lui plus que ça. En fait, il est presque victime d'un putsch, puis il va finir par partir. Mais pourquoi on veut se débarrasser de lui à ce moment-là, Jonathan Livernois? Bien, sa position est très difficile. Hein. Les intérêts des uns et des autres se heurtent, entrent en confrontation. Et là, c'est du côté des anglophones de Montréal. On a peur, hein, de cette espèce de pouvoir canadien-français. Et un de ses députés, c'est le marchand Ogilvy, là, qui a plusieurs grandes meuneries à Montréal, notamment. Et là, des députés de son propre parti, hein, donc conservateurs, font front contre lui. Ils réussissent à... Bon, finalement, on réussit à manœuvrer, on sauve la mise, mais... Ça montre bien qu'il n'est plus, il n'est pas bien en selle. Hein, ça, c'est très, très clair en 69. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il soit, pour ainsi dire, je dirais pas renvoyé, mais qu'il sente bien qu'il doit partir. Ouais. Et il va partir. Il va démissionner finalement de son poste en 1873. Qu'est-ce qui, au bout du compte, va avoir eu raison de lui? Bon, ce sont toutes ces tensions, au fond. Hein. Là, c'est devenu très, très difficile de tenir les fils. Il y a les anglophones marchands, notamment de Montréal, les francophones, les factions, encore une fois, entre Montréal et Québec, ça change pas. Il y a aussi toute la question des ultramontains. Donc, on sait, ça, c'est croyants qui considèrent que l'Église doit se mêler véritablement, doit avoir même préséance dans les affaires de l'État. Ça devient très lourd pour lui. Il démissionne à la suggestion de ses amis d'Ottawa, qui sont, comme je le disais tantôt, très présents sur la scène provinciale. Il représente, hein, je le disais d'entrée de jeu, il représente un politicien un peu anachronique, parce que c'est le début, bah, depuis une dizaine d'années, du développement des chemins de fer. Et là, les politiciens deviennent beaucoup des hommes d'affaires, hein, qui gèrent, qui sont même membres de conseils d'administration de grandes compagnies ferroviaires. Donc là, c'est un véritable festival de corruption, de financement occulte, d'enrichissement. On est bien loin du poète et du romancier, donc il comprend, il quitte donc sa fonction de premier ministre en 1873. Et qu'est-ce qu'il devient à partir du moment où, justement, il quitte cette fonction de premier ministre? Bon, on lui trouve un prix de consolation, c'est la présidence du Sénat à Ottawa. Bien, malheureusement pour lui, on parlait de scandale financier il y a un instant, bien, les conservateurs de McDonald's sont pris dans un grand scandale, sont défaits par les libéraux en 1874, et il perd aussitôt sa présidence au Sénat. Bon, il revient à Québec. Il est professeur de droit à l'Université Laval. Et là, on va écrire énormément. Laurent Laplante parlait de faillite feutrée. Ben, c'est un peu vrai. Hein. Il va avoir beaucoup de difficultés à vivre. Il va multiplier les écrits, notamment sur l'éducation qu'il connaît bien. Il écrit des discours. Vraiment, là, il est hyperactif de ce point de vue. Bon, évidemment, il finit par fatiguer tout ça. Et il meurt en 1890 de paralysie. Il est atteint de paralysie et décède en 1890. Et aujourd'hui, Jonathan Livernois, qu'est-ce qui reste de sa mémoire? Qu'est-ce qui reste de la mémoire de ce grand oublié? Mais qu'est-ce qui reste de la mémoire de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau dans le Québec d'aujourd'hui? Bien, évidemment, il est présent dans la toponymie, c'est sûr. Hein, il y a une circonscription de Chauveau hein, dans la région de Québec, à Stoneham notamment. Mais bon, on peut bien parler de rue. Mais vraiment, il ne s'est pas imposé dans l'histoire. Hein. Et ce qui est pire en plus, ben pas ce qui est pire, mais ce qui est plus dommage, c'est qu'il est à la fois, il ne s'est pas imposé en politique, mais il ne s'est pas imposé non plus en littérature. C'est pas un grand écrivain, bon, il faudrait voir, là, mais quand même, et ce n'est pas non plus un grand politicien. D'ailleurs, c'est assez fascinant parce qu'il consacre une biographie à François-Xavier Garneau en 1883 où il montre comment il est difficile de concilier la politique et la littérature et qu'on peut passer à côté dans les deux cas. Ben, en lisant, on devine que Chauveau parle de lui-même au fond parce qu'il est passé un peu à côté, malheureusement, de la littérature et de la politique. Ce qui fait qu'il y a, j'imagine, en tout cas, peu de références. Souvent, les politiciens actuels se tournent vers le passé, citent, à peu près rien sur Chauveau. Non, ben il est éclipsé par Honoré Mercier, notamment par des politiciens de plus grande envergure, peut-être. Et c'est malheureux parce qu'il est quand même le premier à occuper cette fonction. Et il représente un homme de lettres, un homme d'État, ce qui n'existe plus. Mm-hmm. Le dernier en titre, c'est Gérald Godin, il est en 1976. Jonathan Livernois, professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval. Toujours un bonheur de vous recevoir. Merci, Jonathan. Au plaisir, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.